rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Tunisiano pour la dernière. Comment va? Bah, comment tu vas, gars? Bah, écoute, bien, je me sens bien. Ah ouais, ça y est, c'est la dernière. La semaine, elle est passée vite. Ouais, ça va, c'est une bonne semaine, hein. Ouais, on a foncé, on a bien charbonné, on a bien fait découvrir l'album, donc je suis très content. Avec un album qui s'appelle Marqué à vie. Marqué à vie, qui je tiens dans mes mains. Lundi, franchement, je suis ultra fier de ce projet, ultra fier de cet album. Et puis, je vous invite tous à aller le découvrir, à aller le checker, l'écouter, le pécho, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. On passera encore des extraits ce soir, on va faire un point sur le programme, mais juste avant, petit replay d'hier soir. Allez, vas-y. Petit replay d'hier soir. Alors, hier soir, dans l'émission dans Planète Rap, on a eu le droit au morceau Marqué à vie, on a débuté avec. Ouais. Aux oreilles qui sifflent aussi, qui est un morceau qui a été pas mal demandé. Beaucoup exactement. Beaucoup de réactions sur les oreilles qui sifflent. Le morceau Jeune de Thèse qui avait été choisi sur les différentes pages de réseaux sociaux de Skyrock. Ouais, c'était la fameuse question. Les questions portaient aussi sur ton parcours complet. Ouais. Pour repartir avec le cadeau avec lequel tu viens chaque soir, il y en aura une autre tout à l'heure aussi. Ouais, en plus ce soir là j'ai d'autres cadeaux en plus, en plus de la chicha électronique. Merveilleux, donc le parcours complet Tunisiano, c'est évidemment M Group au début, Sniper, les deux albums solo avec celui qui est dans les bacs depuis lundi. Et puis on a eu le droit à un gros freestyle quand même hier soir. Hein. Et hier c'était quelque chose. Ah c'était quelque chose. Est-ce que tu veux réécouter un petit bout de ce freestyle? Vas-y, fais-moi kiffer. Je balance des rimes en couplet, rien à foutre si je dérange. Laisse-moi l'instru, je l'ai découpé, y'a qu'à ramasser l'étrange. Et bouge la tête et les hanches, pour m'en sortir j'ai tout fait. J'ai tendu la main aux hanches, mais ces enfoirés l'ont bouffé. Il était temps que je lâche le vrai missile. Le rap menace parce qu'il est devenu tellement prévisible. Chacun sa mère, chacun son camp, chacun sa catégorie. Battons un père, ça m'intéresse seulement quand ça fait colle. Ah, c'était hier soir avec Aketo notamment qui était là en freestyle. Et aussi un invité de marque venu tout droit du Québec. Un invité fou. Mais lourd, franchement, je milite, je suis fan. Et puis ça m'a fait plaisir de l'inviter, de l'entendre. Bah c'était lui, le roi Enoch. Le roi Enoch est comme Tony Montana. Même lorsqu'il m'a dit la vérité, t'inquiète. Dans ma roulette, pour ses houlettes, il y a des boulettes. Bang bang, c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de problème, on est tous des soldats. 9-3, opère pour mousse, lui amène la coca. Voilà, le roi Enoch qui est passé nous faire un petit coucou et qu'on salue aussi, qui est sur Paris en ce moment. Exactement. Il est venu faire sa promo, il est venu balancer un petit freestyle, ça fait plaisir, tu vois. Toi, tu l'avais rencontré au Canada ou pas, non? Non, on l'avait loupé. Nous, quand on était là, on avait demandé après lui, mais bon, il était pas là. Il était occupé par un procès qu'il a tenu pendant 6 ans. Voilà, mais il est relaxé et il est gagnant de ce procès, ce qu'il nous a dit. Hein. Bon, en tout cas, ça faisait plaisir de l'écouter, ça faisait plaisir de le voir aussi. Une belle soirée, surtout qui va se prolonger avec beaucoup de monde. Je vois qu'il y a du monde autour de la table. Est-ce qu'on les présente maintenant ou dans un instant? Ouais, on va attendre. Juste après le sommaire. Voilà, après le morceau, on va débuter avec un morceau extrait de l'album Marqué à vie de Tunisiano. On vous attend aussi avec vos réactions. Allez-y, hein, vous les balancez avec le hashtag. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. C'est hashtag Tunisiano sur Skyrock. Balancez vos messages, balancez vos coms. On peut même envoyer les photos de l'album si on regarde la mail. T'as vu la photo? Tu la vois de ton côté ou pas? Ouais, je la vois. Merci. Hein. Merci pour ceux qui envoient les photos du bon mal, qui donnent de la force, qui soutiennent à fond. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Allez, on débute avec un morceau de cet album. Vas-y. C'est le Je voulais un monde. Je voulais un monde. Vas-y, on commence par ce morceau-là. C'est parti, c'est Tunisiano, notre invité. Et à la prod. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. Et le 20 mars à la boule noire. Yeah. L'album, c'est marqué à vie, il est dans les bacs. Prod de Stan et Music. Typique, petite vie de famille, petite maison, il vit à l'est où le soleil brille. Qu'importe les saisons où tous sont protecteurs envers le cadet de la fratrie, en compagnie de ses frères et sœurs. Rien ne l'attriste et chaque jour, assis sagement à table, il voit partir ses grands frères et puis rentrer sans cartable. Les genoux écorchés, les visages couverts de poussière, il lui explique que dehors, bah, il s'amuse à faire la guerre. Vie ordinaire quand le quotidien est établi. Dans son imaginaire, il a son petit monde à lui. Oui, lui aussi veut jouer comme si c'était une grande bataille d'eau. Comme sous ses duvets quand il déplace ses G.I. Joe. Et dans son jeu, il met les méchants en prison. Il bombarde des innocents comme il bombarde sa maison. Comme on se rend compte de l'enjeu quand t'as la tête dans les nuages, que les grands-pères de la raison et viennent bombarder ton village. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les tombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les tombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Y a eu Maldon quand ils m'ont évacué au sud de la Sierra Leone, mais je me suis habitué à vivre loin de mes terres, de mes frères, de mes parents, de trois cachets pour me faire taire. Et du coup je trouve ça marrant. Ils m'expliquent qu'ils m'ont aidé, que sans eux je serais échoué, que l'Afrique est un immense parc. Balancez vos messages, hashtag Tunisiano sur Skyrock. L'album s'est marqué à vie, ma gueule. Oh les mains disent les grands, et tout le monde se couche et au sol. J'ai pour mission secrète de capturer des bandits. Les autres sont des traîtres, moi je fais partie des gentils. Ils me prennent, avec eux m'entraînent dans leur jeu, encore deux, trois cachets. Et j'ai ce voile dans les yeux et mon rire est nerveux. Tout ce qui est violence devient fun. Dans mes petits bras chétifs, ils y ont déposé un gun, prêt à commettre l'interdit. Venu sonner le glas, dis à maman que son fiston est devenu enfant soldat. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot, je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. C'est Tony Tony San Baba, 95 représentant. L'album s'est marqué à vie. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Cet album, c'est le vôtre. Il est dans les bacs depuis lundi. Juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sont. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. Je voulais un monde juste et droit, mais je ne vois que des gens qui sombrent. Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi papa vit sous les bombes? Je comprends pas si j'ai grandi sous les décombres. Le monde va mal, frérot. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Tunisiano avec l'album marqué. Si, Tunisian. Et là, j'ai envie de dire, c'est Tunisiano Jackson. C'est ton Hill the World. T'as kiffé ou pas? Ouais, grave. Bah, on a fait chanter des mioches. Ouais. Un petit peu, non. Bah, écoute, en fait, le morceau, il parle de lui-même. C'est le Je voulais un monde. C'est. Allez, un parallèle entre nous, entre l'enfance. Française ou européenne, ce que tu veux, et avec d'autres enfances beaucoup plus difficiles qui ont un quotidien un peu plus sombre. Ouais. Et en gros, je faisais comment chacun voyait le monde à sa manière, quoi. Voilà, c'est l'idée de ce morceau qui arrive à quel moment d'ailleurs de celui-ci dans la construction de l'album, parce que c'est vrai qu'il est en plein milieu. C'est un morceau qui est une respiration en fait sur l'album. C'est la prod, elle m'a inspiré en fait. Stan, il m'a fait écouter la prod, ça m'a inspiré un truc très à la fois léger, mignon, mais je voulais une thématique quand même blessante et piquante. Et puis voilà. Tiens, tu veux dire un mot, parce que cette semaine, donc là ce soir c'est la dernière et on l'a évoqué un petit peu, mais peut-être trop peu, et c'est bien de le mettre aussi en avant, le rôle des producteurs sur l'album, ceux qui ont fait des sons. Bien sûr. Avec toi. Bah, c'est toujours une équipe qui est avec toi aussi, je pense à Cory notamment. Bah, Cory qui me suit depuis pas mal de temps. Stan, on a appris à se connaître autour de ce projet. Le feeling est très bien passé, tu vois, d'ailleurs, sinon je ne les aurais pas autant sollicités. On se comprend, on se complète. Et c'est assez magique quand, parce que quand une fois que tu arrives à te comprendre avec un compositeur ou un réal, ça va très vite. Et puis au contraire, il tire le titre vers le haut et ça devient tout de suite plus efficace. Et Teufa aussi qui était à la manœuvre. Mercus, Nico, Sirius, tout ça, toute l'équipe quoi. Bon, avant de présenter les invités qu'on va retrouver en live dans quelques minutes, yep. Est-ce que tu poses la question pour le cadeau? Parce que t'as dit j'ai plein de cadeaux ce soir. Ouais, bah là en fait, moi tu sais quoi, je vais en faire gagner deux pour le président. Ça va être, je vais faire gagner depuis le début de la semaine, on fait gagner des chichas électroniques de la marque Ouki. Et là, en fait, là ce soir, j'ai ramené un petit lot de sap VO7 qu'on va faire gagner en même temps par la même occasion. Donc là, c'est toujours la même question. La question, non, pardon, je vous la pose, c'est sur la version physique, il y a un morceau bonus. Ah, oui. J'aimerais que vous me donniez le titre ainsi que le feat. Et puis tout ça avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Bon, et le feat, c'est pas très dur si vous avez suivi la semaine. Bah, déjà, faut avoir le CD, gros. Faut l'avoir en physique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui est passé cette semaine. Ouais, bien sûr. Petit indice. Voilà. Et après, à la suite de ça, je vous fais écouter le titre par la même occasion. Voilà. Allez-y, vous balancez vos messages 41759 avec prénom, numéro de téléphone ou alors le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Bombardez, allez-y. Bombardez, balancez ça. Et après, je peux t'assurer qu'en fin d'émission, ça va tirer à balles réelles, ça va être un gros freestyle. Tu veux présenter maintenant, faire le tour de table maintenant? On est parti. Ou est-ce qu'on met un petit morceau et on fait le tour de table après? Vas-y, bah alors comme tu veux. Bah comme tu veux toi, c'est toi. Bah c'est quoi? On va se faire un petit kiff, morceau perso, morceau que j'affectionne particulièrement, c'est Si on se disait tout. Ouais. C'est le morceau qui clôture l'album, c'est le morceau préféré. J'ai envie de le faire écouter, j'ai envie de laisser parler la musique et puis continuer à me balancer vos messages quoi. Tunisiano, c'est notre invité. Parti. Cette semaine et ce soir c'est la dernière dans Planète Rap marquée à vie. Fais parler le talent. Le 20 mars à la boule noire, Tuni Tuni Son, 95 représentant. Si, l'album il est dispo depuis lundi dans les bacs. Je suis marqué à vie. Où sont passés mes amis? La deux sourdeuil mon mani, la il est rose ou Orly, la DH ou Zanni, torturé par les non-dits, tous ces trucs qu'on s'est promis, déception est immense quand de l'amour t'en as trop mis. Ces choses que j'ai omis de faire, j'ai commis mon frère. Et pas mal d'erreurs dont je suis peu fier, insoumis, déter, quand les billets vers ton sali te font oublier que l'amitié s'est rallie. Quand sans repère tu grandis, tu voles ou tu mendis, tes compères de galère, ben tu t'en fais une famille, et destiné à régner, pas le seul dans ma zermie. On se serre les coudes pour être plus fort face à l'ennemi. Dans la jungle des bandits, t'apprends à t'y faire. C'est par le monde de Gandhi, des Simba ou des Bambi. Et on se tue entre frères, on fait des safaris. Oui, on chasse le mammifère comme dans Daktari. On était petits et fous, dans le coup, dans le kiff. Et sans un sou, sans une fouf, juste le cul d'un spliff. Dans le vif du sujet, on prend nos premières cuites. Tout va trop vite au QG, donc on apprend à gruger. Et jeunes sauvages, les regards dans les abysses, plein de rage à l'âge où on ne sait que se balader à 10. Fuck l'école, les flics, on en fait une pierre de coups. On cherche notre virilité à travers une paire de couilles. Violence gratuite devant les potes, c'est trop tard pour renoncer. T'es pas une fiotte, puis tu pigeras que t'aurais jamais dû commencer. Après coup, tenir les murs quand y'a que ça à l'horizon. Pour beaucoup, ils se changent en murs de prison. Évident, amour et haine, en somme, on fait les deux à ciel ouvert. On purge nos peines face à Dieu, on brise nos chaînes comme on peut. Un bout de teux à consumer, puis t'ouvres les yeux et tu vois que tes rêves sont partis en fumée. Si on se disait tout, on effaçait les doutes. Toutes ces vieilles rancœurs qu'on a en travers de la coche. Aujourd'hui tout est flou, mais est-ce que c'est tout? Y'a que dans la douleur que la vraie amitié se forge. Si on se disait tout. Si on se disait tout. Candidat au suicide, à la soif de liquide, on crache dans l'antipop, sécheresse aride. On a toujours pas l'antidote, on prend quelques rides, sans même s'alarmer. La crame et des clopes, on sort armé, grand arrêt et capote, mais le ventre est vide. On est lucide, on sait que les pigeons picorent, ils nous dénigrent, mais on rêve d'inverser le score. Regard acide, quand de l'autre côté du périph', faut un visa, un look, un défrisage. Pour ça qu'ils nous dévisagent arrogants. On a nos torts à vide, donc on s'invite, milite pour ton équipe, full Delport et le slogan en bande. On refait le monde, ça parle de chatte et d'émeute. Il a suffi d'une blonde et un chien quitte et la meute. Certains s'égarent, il est trop tard pour lutter. On apprend la bagarre, pas à discuter. Hagar habitué à s'émerder, délivré à l'éternel, mais un billet a tué le côté fraternel. Attends mon genre, Tu me parles de genre là. Mais ramène mes sous là. Allez, casse-moi de là, va gratter, faut que tu n'y a pas de genre ici. Là. La fierté s'en mêle, on se prend la tête sans se douter des préjudices. Dire qu'on regrette fait pas partie de la notice. On brûle pour des clopinettes, il manque quelqu'un devant le photographe. Hier on était rouettes, mais le diable a fait son taf. On est tellement stupides, puis les ennuis se confondent. Cupide de cette saloperie qui dirige le monde. Quand on était mioche, c'était à la vie, à la mort. C'est moche quand tu comprends que ton meilleur ami c'est ta poche. D'abord en conflit, tu mets des cartouches dans le chargeur. T'apprends à compter tes amis, tu bouges jusqu'au majeur. Même si nos points communs ont changé, t'es pas infréquentable, pas pour autant un étranger. T'es le bienvenu à ma table, on est des jeunes gamins, mais l'amitié fait des siennes. Le temps est assassin, une ignoble esthéticienne. Fais comme il te convient, pourquoi ton sourire est crispé. C'est vrai qu'on se doit rien, enfin juste du respect. Si on se disait tout, on effaçait les doutes. Toutes ces vieilles rancœurs qu'on a en travers de la coche. Aujourd'hui tout est flou, mais est-ce que c'est bout. Y'a que dans la douleur que la vraie amitié se forge. Si on se disait tout. Si on se disait tout. L'album se marquait à vie gros. Tony Tony San, merci pour vos messages. Y'en a qui ont déjà donné la bonne réponse. Ils sont trop vifs. Yeah. Dédicace à mon Val de Zouave. Ma famille. Yeah. C'est Skyrock et le Planet Rap avec Tunisiano, l'album marqué à vie et ce morceau qui conclut d'ailleurs l'album. Exactement, morceau qui me tenait à cœur, si très, très, très perso, qui me touche énormément et puis voilà quoi, tu vois, je me livre ouvertement à pas mal de personnes que j'ai pu décevoir ou autre chose quoi. À ceux qui vont écouter cet album marqué à vie. Exactement. Qu'on peut aussi précommander, enfin pas précommander puisque maintenant il est dispo, mais commander sur internet légalement. Sur internet, sur les réseaux sociaux. En fait, non, sur les plateformes de téléchargement légales. Et puis dans les bacs. Et en plus de ça, je tenais à dire que ce morceau-là, c'est quoi, ça tombe bien parce qu'en fait, c'était le morceau choisi par les internautes. Ben voilà, c'est ce que j'allais préciser. C'est en effet sur les pages des réseaux sociaux Skyrock, c'est le morceau qui a été le plus demandé aujourd'hui. Si on se disait tout. Exactement. Pour être écouté dans l'émission. Ça, c'est magnifique. On est synchro, l'ami. Pile poil. Et je pense que tu es aussi synchro avec Julie, qui est en ligne tout de suite. Allô, Julie. Bien, Julie. Ça va, Julie? Je te présente Tunisiano qui est là toute la semaine, ce soir encore. Je le connais par cœur, Tunisiano. Ah bah écoute, si tu me connais par cœur, ça fait plaisir. J'espère que tu vas connaître l'album par cœur aussi. Est-ce que tu as l'album et que tu l'apprends par cœur? Alors, petite question que tu vas rappeler, Tunisiano, que tu as posée il y a quelques minutes, là, ouais, juste avant le morceau. C'était dans le CD, dans la version physique, il y a après le morceau justement, si on se disait tout, il y a un track bonus qu'on a balancé. Ouais. Je voulais savoir le titre et que le feat. Le feat. Avec Matta Paqueta, ouais. C'est exactement ça, bien joué. Ça veut dire quand même, Julie, que tu as l'album. Ouais, carrément. Ouais, bravo, Julie. T'habites où, toi, Julie? Moi, je suis de Chartres. De Chartres. Je serai à la boule noire. Ah, aussi? Ah, putain, tu fais plaisir, merci. Hein. Ça veut dire que tu fais le déplacement jusqu'à la boule noire, tu viens le 20? Carrément, j'ai mes places depuis trop longtemps. Merci, tu te déchires. Bon, bah toi. C'est toi qui déchires. Bon, en tout cas, c'est quoi là? On te fait gagner, une chicha électronique. On lui fait gagner la fameuse chicha électronique de la marque Wookie. Ah, et puis un lot de vêtements VO7. Donc voilà. T'es au max. Tu es refaite. Merci. Mon plus beau cadeau, c'est de pouvoir te parler, franchement. Bon, c'est mortel. Et de toute façon, on aura l'occasion de se parler à la boule noire. Ah, bah ouais, obligé. Bah ouais. Normal. Obligé, mais en plus ça a l'air super la salle et tout, donc j'ai trop hâte. Magnifique. Et ben on te fait un bisou, Julie, merci en tout cas pour ta participation. Continue comme ça, Tunis, ça déchire. Grand fief. Et rendez-vous dans 6 jours maintenant, c'est la boule noire, le 20 mars. Exactement. Le concert de Tunisiano marqué à vie. Bon, je crois qu'il est grand temps de faire le tour de table. Bon, allez, c'est parti. De place en table ronde. C'est toi qui as pris le contrôle de la table en plus là. Bon, bah en fait, je présente les acolytes qui viennent me donner de la force ce soir. Ça veut dire on va commencer dans l'ordre. En face de moi, j'ai VALD que j'ai présenté au début de la semaine. Ça veut dire Vald, artiste qui est en train d'arriver, qui va tout arracher, ouais, qui vient d'Aulnay d'ailleurs. C'est ça. Qui est signé. C'était mignon. Voilà. Qui est signé sur ton, sur ta structure en fait, c'est ça? Ouais, voilà, il est signé chez Mezwed. À côté de lui, il y a Aketo. Moi, je le présente plus. C'est mon acolyte depuis toujours. Hein. Il est là de Snipe, SNIPER, tout le monde connaît. Il était là hier soir aussi. Voilà. À côté, il y a All Carry. Le book diff. Oui, je suis raide, c'est quoi les bails? Ça va en forme? Tu le quoi, mon gars? Bah ouais, regarde, je suis à l'écart, je suis en isolement. Mm-hmm. Je suis en quarantaine. Il a peur, il est pas avec les sauvages. Il s'est mis de l'autre côté. Ouais, c'est ça, je prends un peu d'air. Et à côté de lui, il y a Fianso Man, MC Need Money Gang, voilà. Que je pense que tout le monde connaît aussi. Exactement, donc, voilà. La mif, bien encore gros. Bah ouais. On est là. Et pourquoi Fred, il est de l'autre côté de la vitre maintenant? Je t'ai dit, c'est bien à l'écart. On a perdu Fab. Ouais, c'est ça, le mec se la joue, il est dans le carré VIP. Je suis pas dans la fosse. Vous m'en voulez pas, je suis dans le carré VIP. Pas dans la fosse au Lyon. Mais non, salut Fab qui est parti en vacances en tout cas. Donc voilà, j'ai pris la relève, il est sur la route. Donc une grosse dédicace à Fab, profite bien mon pote. Donc Sofiane, faisons un petit tour de table dans le sens. Bah voilà, là, on vient de quitter Sofiane. Sofiane, un petit point sur l'actu, qu'est-ce qui se passe pour toi? Écoute, on va renvoyer de la sauce pour tous ceux qui ont kiffé Blacklist 2. Ça va arriver très bientôt. Présent aujourd'hui pour le frérot et l'album Marqué à vie. Et voilà. Présent dans Marqué à vie aussi. Exactement. Et voilà, c'est un album dont j'ai pu un peu voir la conception et le boulot, et c'est vraiment gros. Il y a du gros cheat, il y a du gros rap, c'est du grand tunisano. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour donner toute la force qu'on peut et honoré d'être invité à la famille. Et on voit tous vos messages, la famille. C'est du lourd, continuez, car c'est Twitter. Avec le hashtag tunisiano sur Skyrock pour All Carré. Yep, yep. Ça se passe bien aussi? Ouais, on est là, on se pavane toujours. Ça se pavane toujours bien? Toujours au max, ici. Ouais, Diffré toujours dans les bacs. J'ai entendu sur un morceau avec Danny Dan. Voilà. Des Glingos. Ouais, Des Glingos, ça arrive au mois de mai. Projet hip-hop avec Danny Dan. Et puis sinon, c'est Marqué à vie. Hein. On est là, on est balafré, tout ça. Bon, pareil, vous, ça fait un moment que vous connaissez, vous côtoyez entre l'époque Sniper ou le Quinry. Oui, depuis. Depuis. Et il fait partie de ces artistes qui ont commencé très jeunes, qui ont été signés jeunes, avec sa petite voix de gamin, là. Sa petite voix de lutin. Et voilà, quoi, ça fait un bout de temps qu'on roule. Moi, à l'époque, c'était agression verbale, je me rappelle, on écoutait M Group, tout ça. Ouais, ouais, si, on est là depuis un bon bout de temps, on est des tontons. Grave, Alder, toujours au max. Bon, c'est la table des tontons ce soir. Non, tranquille. En tout cas, au moins, il y a de la fraîcheur. Et bon, après, voilà. Pour ceux qui ont découvert le titre Carré, je me retrouve avec les compères, justement. Il y a Fianso, Old Carré et Val qui participent. Et bon, après, pour Aketo, c'est le morceau maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs dans un instant là? Il y a un peu de pub et on revient juste après. Avec quoi? On va se mettre maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite? Ouais. D'accord. Bah bougez pas, ça arrive maintenant et tout de suite, j'ai envie de dire. Voilà, parfait. Et puis on vous attend au freestyle de Planète Rap. Non. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial tunisiano. Tunisiano a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planète Rap spécial tunisiano cette semaine. On est là, on est de retour. On est nombreux dans le studio, on a la pêche, on a envie de rapper. Velde, il y a Aketo, il y a Olkari qui est là, il y a Sofiane qui est dans le coin aussi. Exactement. Et il y a un gros live qui se prépare dans quelques minutes. Ça va être lourd. Il va falloir se pavaner en live, Olkari. Il connaît. Ouais, j'ai entendu totalement, très loin. Totalement. Et là, donc, on met ce morceau avec Aketo. Exactement, j'ai envie de le faire découvrir. Ouais, ça, c'est le morceau, c'est. À la populace, à la France. Le bonus track de cet album. Exact. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Avec mon frère Aket, ça. Oui. Yep. 9-5 représentant. J'ai enfin cœur du bêtise, une fois pour toutes fois qu'ils pigent, qu'on n'envole pas leur disquette, quête, le sablier, le temps est précieux, la jolie montre sert qu'à prier, ils sont mal et très seuls. C'est maintenant qu'on smack, écoute la détonation, à 10 contre 1, dans ce match, j'oublie les prolongations, à la tchèche, à la page, on fait le truc à notre façon, c'est pas le qu'on bouge, hop, c'est maintenant qu'on strike, ça se passe maintenant et tout de suite, maintenant et tout de suite, maintenant et tout de suite, maintenant et tout de suite, maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Bullshit Zulu, grosse clique chelou, pratique vaudou, la sale pipe à gourou, mon précieux, qu'est-ce que tu veux? Suspeed, je vais t'éclairer sur les sites, ils ont des pipes à leur rappeur préféré, tes spectateurs restent à l'écart, nique ta l'OM, la miche tourneuse. Des acteurs, des triggers, des tombeuses, de petites voleuses. Ils ont oublié d'être artistes, d'avoir leur propre avis, façonnés par une playlist qui sont les égouts de paille. Fermez la touche, ça touche jamais, jamais ma touche de haine. Fallait pas m'inviter, bouche de vieille, tout ce que paye ne gratte pas l'amitié. Calamité, quand je rébouche, stylo, papier, l'encre coule. Je vous laisse vous sucer entre vous, entre habitués, bande de loups. Rage et le aigri, ta gueule fait mieux, je m'exprime, j'écris pour moi. Pour la peine de moi, en retournant, j'ai taillé tout droit. Je les vois qui se font voir, chacun veut son heure de gloire. C'est beau de rêver, mais tu vas te réveiller avec la gueule. Contre Snipe, écoute la détonation. A 10 contre 1, dans ce match, j'oublie les prolongations. A la tchèche, à la bâche, les trucs à notre façon. Fais pas qu'on bouge, hop, c'est maintenant qu'on snipe. Ça se passe maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Démonstration d'extérité, mes champs d'action illimités. Un seul schéma, je refuse de m'y plier. J'ai déjà donné, déconnecté, désabonné. Pour moi c'est ça le plan. Se réveiller, débrancher la prise et mettre les doigts dedans. Tout de suite maintenant, boycotte leur merde aboutissant. Que les tenants les aboutissant. Quitte à fermer, boy, avec deux trois bouts de ficelle. Ambitieux tel un hustler qui veut se faire tout seul. Faire cette oseille, masterpie, nos limites. Je lâche la torpille, fuck les conseils. Comment faire, milliers d'exemplaires. D'où les sons pipés, adversaires. Fuck tes commentaires, tes culottes. Récipé, taille des pierres, toucher le diamantaire. Que les rappeurs font les gratins. Tout le monde a terré le vocabulaire de ceux qui prennent mes patins. Même si hors du commun, pense aux copains au ballon. Arrête avec t'es trop loin, t'es juste dans ton salon. Et dis-moi qu'est-ce qu'il y a, frangin, j'ai peur, j'ai froid. J'écoute des roquerias, y'a le diable dans l'air. Fais maintenant ton snipe, écoute la détonation. A 10 contre 1, dans ce match, j'oublie les prolongations. A la tchèche, à la page, j'oublie le truc à notre façon. Fais pas qu'on bouge, hop, c'est maintenant qu'on. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. C'est maintenant que l'album il est dans les bacs. Et c'est maintenant qu'il faut aller le pécho gros. Il est depuis lundi. Il est disponible sur les plateformes de téléchargement. Et puis voilà, c'est avec mon sauce, mon frérot Aketo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un morceau sniper ou pas? Ouais, tu peux le dire. On peut le dire? Bien sûr. D'ailleurs, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Allez. On en est où? Est-ce qu'il y aura un prochain album de sniper? Je laisse répondre Tchèche. Ok. De toute façon, depuis le début de sniper, entre chaque album, on savait jamais si allait en avoir un prochain. Mm-hmm. Donc. Mais ça, vous en avez parlé un peu ou... C'est pas d'actu, parce que toi, il y a le solo qui arrive aussi. Ouais. C'est en préparation et voilà, hein, c'est pas. Je sais pas, voilà. L'actualité, c'est marqué à vie. Et après. Chaque chose en son temps, disons. Chaque chose en son temps. D'accord, c'est pas d'actu. En tout cas, on est amené à retravailler ensemble, on retravaillera toujours ensemble et voilà quoi. Tu seras certainement présent sur son projet. Je suis présent. Il y est, forcément. Voilà. Je suis présent. Forcément. Et ce sera courant de l'année 2014 pour le projet d'Aketo. Ouais. Là, en attendant, il y a donc marqué à vie où vous retrouverez ce morceau hein, en bonus track maintenant. Et tout de suite. Et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Sur Skyrock. Et par contre, pour ceux qui veulent se procurer ce titre, il est uniquement disponible sur la version physique. Donc sur le CD. C'est-à-dire uniquement sur le CD. Donc voilà, c'est un petit bonus track qu'on a balancé. Pour ceux qui l'ont pécho qu'ont pécho l'album en précommande sur internet, ils ont eu deux tracks en plus. Et là, en fait, c'était un petit rap pour ceux qui allaient le pécho, qui faisaient le déplacement en boutique. Très bien. Et bah Tunisiano avec nous dans un instant, on fera du live. Il y a donc Aketo qui est là, VLD qui est là. Ouais. Il y a Monsieur Olkinri, ouais. Sofiane aussi. C'est en train de s'échauffer là. Ouais, c'est du shadow. Je sens qu'on est. Oula, on est déjà chaud. Sofiane, on est chaud. Sofiane est souvent chaud hein, au freestyle. Et tout le temps chaud, il a la dalle du ghetto. Oula, Fred, il m'a vu depuis le tout début. C'est très bien. Toujours bouillant. On va accueillir maintenant Marionnette de Paris. Allez Marionnette gros. Et encore la famille. Ça va l'équipe? C'est Tunisiano, tu vas bien? Et toi? Il y a Aketo là, non? Il y a Aketo, il y a Vald, il y a Olkinri, il y a Fianso, toute la terre. C'est. Et il y a toi maintenant, Marionnette, qui vient faire un freestyle dans l'émission. Ok, c'est parti. On y va? Ok. Yeah. Mettez-le sur un pont dans le studio, yeah. Ok. 1, tout le monde. Ok. Dans le studio Sky là, à fond. Check. Ok. Check. 1. La carte grise, je l'ai prise et les yeux pris. Des regards noirs comme un scorpion dans les cités. Je rapporte comme du prix si c'est. Je vais te faire kiffer. Sur le terrain, je suis déjà qualifié. Tu signeras ta fin quand l'arbitre va siffler. Barbé. Trop de bandes que j'ai désarmé, je suis cramé. Dès la naissance, je les ai tous remballés dès le départ. C'est le placard. du bourgeois dollar. C'est la haine, c'est Dakar, c'est trop tard pour autonome, c'est d'accord. Représente tous ceux qui n'ont pas d'or en armole. Fatigué de voir que des faux bonhommes, c'est le départ. H24, c'est le métard, on dort jamais, on vit tard. La dalle monte en l'air, c'est le cri des armes, 22. 1-2-1-2, je tourne mon 22, j'ai pas de taf. Je m'en bats les couilles de faire des fautes d'orthographe. Je veux le César, prendre mon pif, partir sans baccalauréat. Au Seychelles, je reste donnard, je cracherai des gros molards. Pareil. Au prochain bain, je serai dans le cacheret. Olé, pilé, je tournerai la page, pépère sur la plage. Si tu veux de l'info, t'es ma journée dans le faussaire. J'ai pesé ma sous-patreuse pendant mon stage scolaire. Ok, à l'instant en freestyle Marionnette, merci à toi Marionnette. Oui, merci Arvomis. On peut te retrouver sur le net, on peut te suivre quelque part. Ouais, pour l'instant, c'est taper Marionnette sur YouTube, il y a tous mes sons. Voilà. Marionnette sur YouTube. Voilà. Et bah écoute, bonne chance pour la suite en tout cas. Merci, vas-y, bonne soirée les mecs. Merci l'équipe. Et merci d'avoir été avec nous ce soir au freestyle par téléphone. Il y a quoi donc? Non, bah il y a l'heure, c'est l'heure d'y aller. Ça y est? C'est l'heure d'y aller pour la session live. On est parti? Bah si vous êtes prêts, si vous êtes chaud. Bien sûr qu'on est prêts, bien sûr qu'on est parti. Allez, quand vous voulez, maintenant session live dans l'émission. Allez, on commence freestyle. Plutôt que d'habitude. Bah oui, c'est bien, on va profiter de vous un petit peu. Il y a VLD, Aketo, Olkin Riella, Sofiane est là. Et il y a du monde dans le studio ou pas? Ouais, on est plein. Allez, c'est parti. DJ Style presque okay, platine, okay, okay. Aïe, aïe, aïe. Big up à lui. Aïe, aïe, aïe. Marqué à vie. Marqué à vie. C'est depuis lundi dans les bacs, mon pote. C'est mood. Frérot, j'ai grandi avec que dalle, j'ai un empire à ériger. On n'est pas tous nés sous l'étoile des privilégiés, considérés comme du bétail, car c'est dans des cités d'or. Toi, Ray, pris pour des cobayes, des souris de la Bora. Toi, oui, ils nous guettent à la loupe, disent qu'on est bon qu'à vendre. Ray, ils attendent le scoop pour mieux pouvoir nous descendre. Crache de l'info à notre insu, ils se sont crus aux zoos. Et toutes ces langues de font de la pute car sont sociaux. Parler d'autre chose, mais y'a rien qui m'attisse. Hey. On a toujours été pauvres, donc on connaît pas la crise. Venu pour plaider ma cause, j'ai la prose qui traumatise. Tous ces clébards qui m'arrosent sont les mêmes qui me font la bise. Bitches, frérot, je vois que des mecs paro, des toxicos, des malades. Man. Des gros autos, des beaux restos, des gros lolos pour madame. Des alcoolos, du comico, en monde et haut se bavardent. Des fans de flow, mec, tout est faux. Mais on se fait la mood pour le rallye, on se saigne. Tout niqué, tout brûlé, tout ce que l'on dit. Frère apprenne que tout le monde se couche dans le mal, personne nous freine. Cheta nous emmène, c'est dans le on s'entraîne. Enfoiré c'est mood, mood, mood. Enfoiré c'est mood, mood, mood. Enfoiré c'est mood, mood, mood. Enfoiré c'est mood, mood. Viens de son mal. Il paraît que t'as dit faut qu'on sorte de la misère. Il paraît que t'as dit qu'on vit certains kilos. Il paraît que t'as dit dans les gels hiver. T'as ce que t'as dit de faire et de se tenir tranquille. T'as de la suite dans tes idées de fuite. Nuage d'ailleurs, crache le feu, y'a tous ces clips de frappe. Bouger sous le tarin, venir en soi marin dans un clip de rap. Toi, tu préférais, c'est un gros site de fanus. D'un 1300 G16 dans la nalus. Y'a des calaches et des lance-roquettes et des bazookas. Mais ton pote, c'est un mal. Le numéro, c'est un Windows. Où est ton gang, ton hélicoptère? Fiat 500 à barre, te fais chercher un appart. On subit plein fou la pénurie de nos terres. Fais pas ton parrain si tu raves que tu fais loin. Très grande française, petit peineur. En pâte à frais, dis-le parce qu'on pèse. Parce qu'on baisse, qu'on te bive dans la baignoire. Yep! Hey. Yep! Yep! Attends, c'est bien, ils sont mal ça! Hey. Hey. Merde! On va y aller, go, go, go! Fais tourner, ça y reste, gros! Balance ça! Viens, LD! Aïe, aïe, aïe! Il y a du monde dans le studio, je suis virus! Comment ça? Il y a un problème! Ouais, virus, Basir, la famille, vous êtes tous tes verts! C'est une galère! C'est VLD! Mec, je m'entends pas dans le mic, c'est normal, il y a un réglage à faire! Bon, les gang, gang! Bye! Ouais, je t'ai pour ça, mec, pour up. Voilà, là, ça marche bien, si. VALD! Kickstar Kalash est dans le plaza! Marqué à vie! Y'a la chief! DJ Style Press! Marqué à vie! Marqué à vie! Ok! On est marqué à vie! Ok! Marqué à vie, tchir! Je fais pas de zig pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où que le Tréo implique, m'explique qu'il existe et que mes côtes vont plaire au cabot de l'enfer à jamais. L'enfer, j'emmène, c'est mes rimes, je te jure, ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait val des bim. La fuite vaginale à la rive, c'est la mise. Zer, chaque anniversaire, j'ai du VMC pour mon dessert. Je vais finir au baisse des biléotins aigri des autres mecs. Comme un over féminin. Vous me faites le rêver, ça m'énerve, j'aimais bien. Bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parlait de rien, de pute et de bien. Bien plus que de bien, oui, de bif qui se gagnait dans des districts mystiques, cadavres ou les villes. ici se battait pour des sixties chargés. J'ai la peau d'un mec né dans les sixties. Oui fils de pute c'est ma cachette. Donc tu vas tâcher de bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher. Ou ton polo tapette, je vais le tâcher. J'ai la paix comme une bombe nucléaire. Maçon sur mes nerfs, niaxon sur mes lèvres. Chaque seconde j'évolue car dans le bulletex j'ai mis l'uranium. Oui trop nuqué tête. Trop nuqué tête, j'casse trop nuqué tête. 4 fois je fais le don du dessert à chaque strophe. Plus d'or, j'ai ma tombe à custom. Je suis dans un film érotique où les figurants ne s'excitent même plus correctement. C'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois ces beats. J'ai mis pour un modèle. C'est mon premier succès. Fume sec pour soigner mon ulcère. Soutien du bif à l'industrie. Sullivan, club sévère, force sévère. Chope tes pères, c'est tes gueules. Des guerres, je l'ai fait qu'à une part des rentes. Vélère, en leur faisant croire, je connais d'or. Vélère, le rap va mal et j'ai v'là le remède. Toutes ces putes dans du barbelé. Ouais, c'est sûr, c'est de l'à peu près, mais c'est pas le problème. Sullivan, Rockefeller, le rap va mal et j'ai v'là le remède. Toutes ces putes dans du barbelé. Ouais, c'est sûr, c'est de l'à peu près, mais c'est pas le problème. Sullivan, Rockefeller. Yo, ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Des bigles, mes pions ont pris pour un martien. Méfiant, je retire les strings. Que des matures pour le déj le matin, y'en a marre de la fin. Hein, la fin du joie, du parfum, du ravin. Joindre les mains, flotter comme Séraphin. Mais frotter des putes, c'est pas bien. Gober des putes, c'est mettre sa photo pour les études, j'ai la fin. Hein, quand j'ai un but, je l'atteins. Que ce soit comme ici, comme ça, quand on parle d'homicide. Dans nos cas, pour jouer la comédie devant les caps, oui. Je veux la street cred. Je veux plus rentrer discrètement dans ma ville d'air. Fils des putes, j'ai l'épiderme blanc. Mais tu manges des petits gags. Ray-Ban, tu fonfon sur la photo. Mais j'ai bon fond, bon fond jean, je veux les bouffons pour les foufounes, c'est pas mon fond de com'. Sourcils froncés pour pas sortir les outils, roupillés trop, bousillés sous tease comme un autre roupillé. Oh, j'oublie mon bourbillé, youpillé sur scène, c'est la souffrière, c'est la guerre, c'est la même merde que la guerre. J'ai vu Cerber en Iker, Jim, c'est la même zère quand pas d'Ev. Je répète, chaque taf c'est la der, chaque taf c'est la der, chaque taf c'est la der, chaque taf c'est la der. Sullivan, B.A.L. Marqué à vie. Ok. You. Marqué. Ok. Tchitchus. Ok. Ok. Musique de merde, public pubère, qu'est-ce que je fous dans ce bourbier. Jeunesse du père qui n'a même pas connu ce bon vieux corbier. Ariane, Jackie, tartine, Benko et beurre pour nos goûters. J'avais de la mort au lit, génération club d'horreur. Époque, loufoque, full up, sous-code, frelo, faut pas sombrer. Contrôle des masses, complot, les masques finiront par tomber. Rebelle, querelle, quenelle, fais gaffe à pas te gratter l'épaule. On s'est fourré, écran de fumée, ça s'appelle un vrai viol. J'm'encante, j'm'entends, paf, paf, bocotte, mon rap frère. Rouge magique, mongol, Dora, j'envoie des astéros à Gilles. Paquet de gamin, si, j'canab, dommage collatéraux. Lausanne, Paris, j'fais le taf, j'arrive pile poil pour l'impéro. Toujours pas d'élire, j'ai toujours pas dans leur délire. Pas lourd, j'ai toujours pas l'accord, j'ai toujours pas d'humeur. Bah non, j'reste à l'écart, leur mascarade, maker. J'peux plus me les voir avec leur peur à l'as des gueules. Bon mal casse des gueules. Écrit à 4 piges, j'ai pas changé une vie. Rien du vécu qui la vise. J'ai d'humeur palestinienne tous les jours que Dieu fait. J'oublie pas l'essentiel juste pour une paire de ce fait. J'ai rien d'un boss de Paname, j'bosse pour être mon propre boss. One love pour ma femme et mon gosse. Papa fais pas de rap de mongol. Mon Dieu, comme disent les frères de la LMCZ. Ressors plus fort de ma fucking traversée du désert. Si tu 9-5 marqué à vie. Marqué à vue depuis lundi dans les plaques, ma petite si, si, si. Marqué, allez le pécho, allez le pécho, l'album il est dispo, ma gueule. Elle fait enchaîne. Tourner. Eh mais enchaîne, ça y presse pour voir. Aïe, aïe, aïe, aïe. Abdoulaye, freine ma gueule. Si, si, Tony Son. Moumou, ça va. Douma, ma fleurie. Yeah, yeah. Moussi, il y a un bois d'artiste. Léon. Opéra, Tony Son Baba, n'aime pas vous présentant. Marqué à vie, c'est l'album. Marqué tu connais, hein. Va marcher. Dans les bois, on le voit la couloir. Oui, oui. Bon sens, rien n'est gratuit, toi-même tu sais. Sors les billets quand tu caches les voix qui crient, d'autres me supplient car l'album sort le dimanche. Tu t'es adouci dans tes récits, fais-nous de la musique qui marche. Ils n'ont rien compris, ou j'aime la saloperie. Les sujets qui vont, ce que j'accomplis est personnel vu que ce métier est ingrat. T'as choisi d'être vrai, tant pis pour toi, mais le succès attendra. Vu qu'ils m'ont tout pris, ils ont prédit qu'ils allaient me faire la hagra. Expert en puterie, une fois fini, je ne laisserai qu'un camagra. Moi et mes compères, on a la douda quand on voit des jetons. Ce que nous amassons, nous posons sur un canasson. Est-ce une sage décision, y'a rien à faire, on est détruits. Vu qu'on ne sait pas quoi en faire. terre, on va le cramer pour un gros cul. Par le vrai, par le cru. Quel respect, même si t'as de la thune, les bâtards en font les frais, traînent dans les rues, boire un revêt en tête-tête avec la lune. Bruit du coca, de la tise, Yachi, on s'en retourne de la locale, fais un tour sur Belize. Et tu reviens dans ton flou. Tu peux être sombre, peu, un star ou deux, feuilles collées, un gramme de bœuf. Elles sont longues et dégueu, y'a pas de couvre-feu. Nous on agit, on parle peu, on est un peu comme un cul, pas les tests, bisous, on parle. Nous ici, lâché de deuil, la repas qu'a atterri un bras jour. C'est là, c'est cool, et les petits sont pas de les couilles. Ils arrêtent la school, on cru que la prison c'est cool. Ils roulent, ou picrament, ou bien tapent dans un ballon. Va lui expliquer que c'est grave quand il gagne plus que son daron. Mais bon, hey, aïe, j'espère que t'es cool et t'es ravi. Tu n'es sale. L'album depuis lundi, c'est marqué à vie. Bah, hey, c'est marqué à vie. Depuis lundi, mon frère, c'est marqué à vie. Marqué à vie. Hey, c'est marqué à vie. C'est fier sur moi, ça. Poche la putain de merde. Si, c'est mon cadre. Je me suis sorti de mon trou, seul tout, mais ce qu'on trouve dans la rue, suspect. Mon flow à Sky, à place Vendôme, casqué, bécane et suspect. Je les suspends. Je tiens la rue dans ma main gauche, les 14 doigts. Changerai pas, même si tu mets toutes les majors dans ma main droite. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. C'est le 9-3, soit tu corrompes, soit tu fermes ta gueule, tu la preuve. Viens chercher les grandes arrêtes. On tient le choc, on va en zaï. Pousse-toi dans le trône, je prends la tatata dans ta tente. Sagesse, tu mis sur ma chute. C'est que t'as pas vu mon frère. On est tous des fils de pute. Jusqu'à preuve du contraire. 2K13, ni bon les gangs. Je suis pas chargé, frérot, relax. On ramasse des zéros au max. Double chargé, viens sur moi, viens sur moi. I kick me dead. Viens sur moi, viens sur moi. I kick me dead. Viens sur moi, viens sur moi. I kick me dead. Viens sur moi, viens sur moi. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Ferme ta gueule, tu niques ta mère. C'est le 9-3, soit tu coopères. Soit tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. C'est le 9-3, soit tu coopères. Soit tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. DJ Cypress, on va de la suite, il reste du rap ici. Bim bam boum. C'est qui t'es chaud ici là? On marche dans le rap, ma gueule. Encore, encore. Ouais, je t'abonne, merde, Minichis. C'est Blanco. C'est Popo, c'est Pointard, ma gueule. Aïe aïe aïe, Gix la calache. Check. Et qui cherche du lourd, ouais, la street noire désignée. T'es digne. Geeks, la calage des ananas, plus vrai que tes rappeurs signés. Yeah. Noir, coupe pas ta merde, on croit en l'histoire, mais c'est 5 piliers. Mec, détestes la S, nous informés, liés. Le temps, c'est l'argent, on va sort les billets. Billets. Les rats, c'est crié. Crié. On briller. Toujours fidèle à la TG, rien d'une célébrité. Yeah. Bécane débridé. Ça fera pas effriter. Quand te lâche, on se calage, plus d'une balle à éviter. Rafale, ce game de draft, c'est grave, la plupart c'est su. Son marché dessus, beaucoup m'ont déçu. Le bien, le mal. Quand t'as deux issues, on regarde un tissu. La mort ne prévient pas, comme la paire qui jute à moi. Comme ce frère qui finit dans le coma. Je mettrai un jeu à deux doigts. Trio prometteur 100% 9-3. Trop de questions, dis-moi pourquoi. Avec des cieux, coupe les langues de bois. J'ai 15 ans de Doliprane, ouais. Ne fais pas c'est pour lasser. Tu sortis un verre, fais des lacets. Passe chez moi, mon gars est cadencé. Frère Geeks, la calage, mon frère s'appelle Boboche. Copini, mon frère. NMG, tweeté ça, ma kéro. Vas-y, Akito, tire, mon frère, tire. Tout de suite. On va en pêche, là. Ah bon. C'est comme ça que ça se passe ici. Ok. Ok. 9-5, Val de Zouave, marqué à vie. J'écris ce couplet comme si c'était le dernier. Ou le dernier, si je m'écoutais, j'aurais quitté ce merdier et renié tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu dans ce foutu rap. Effroyable imposture au pied du mur, je postule pour du taf. C'est réel, c'est le réveil, c'est la douche froide. Il s'agit de se boucher. On m'a dit si tu veux la vie des rêves, faut aller se recoucher. Chaque fois que j'écris, je refais mon propre procès. Je ne me plaçais pour avoir des choses à me reprocher. Des disques d'or en guise de trophées accrochés sur les murs de ma piole. Alcool pur dans ma fiole en petite gorgée. Je suis torché, je parle du passé comme un ancien foutu. Mon présent est déjà corsé, me parle pas d'être dans le futur. Je paiera comme s'il y avait aucun enjeu. Vu comme c'est parti, je me dis qu'on pue dessus pour manger. 9-5-1-7-0, marqué à vie. Nouvelle cuvée, je suis venu les torts sur la foutre, ça va. Et même mouillé, il pleut des cordes, la foule crie, ça va. Je viens dérouiller mes ouais de record, Tony Samba. connaître un parc est venu prendre sa part et tu reconnais la rime. Ils sont unanimes, c'est vrai, sur la qualité du produit. Ces petits bouffons plein de coups de pression ne font pas du son, mais font du bruit. Prends des notes, t'en as besoin, petite fiotte, quand les grands viennent causer. Dans la rue, les salopes sont pas forcément du sexe opposé. Mon pote, y'a tous les styles, c'est qu'ils se comportent comme des petites dames. Y'a les Henri Hill, les Franck Lopez et Jesse Pinkman. Y'a les bonhommes, les hommes, les fous, les pom pom. Oui, on sent ton pan, tu vas te faire hum hum. Suffit juste d'un tam tam, d'un gros camas fumant. Rime et argument pour faire bouger les fessiers opulents. T'enchaînes pilon sur pilon, normal, tu t'en bats les couilles. Oui, ton silence en dit long, à croire que tu parles à des genoux. Mon pote, tous les sales, marqué à vie, mon gars. Marqué à vie, marqué à vie. Y'a une autre purée, presse. Envoie-lui une autre purée là, parce que tout le monde a la forme, tout le monde est en jambe là. La force. Voilà, envoie la force. Tire. Accélère un peu, accélère, c'est ça, c'est bon ça, accélère. Tire. Fais résonner la sirène, c'est Fiat Soman, frère. Accélère-moi ça, yeah, yeah. Faire résonner la sirène, c'est moi qui donne l'air le douanier. Sans uniforme et Big Ben sur le poignet. Les yeux au lance, flammes cramées. Les pompiers sont pas venus, faites de la place pour soeur de nuages, élargisseurs bienvenus. Fais l'air des vieux aux frères d'armes. Y'a pas de recette secrète, l'âme entre les chicots. Crapahut, t'es comme au Vietnam, hélico. Spot braqué, les deux pieds dans l'étrier. J'ai crié sur le chrono, qu'arrive ma putain d'heure de briller, grillé. Ma salle essuyée, viens des ma bande est fuyée. Cadran, hublot, aiguillé, laisse les arrête, je pour les cuillers, juillet ressemble à décembre, quitte à se faire descendre au canon scié. J'ai le power, hein, frère, je te le dis. On va aller how, on va aller how, t'inquiète, frérot, on va aller how, on va aller how, on va aller how, t'inquiète, frérot, on va aller how, on va aller. Oh les petits fils de pute, oh les petits fils de pute, oh les, on va aller how, on va aller how, t'inquiète, frérot, on va aller how, on va aller how, on va aller how, t'inquiète, frérot, on va aller how, on va aller. Oh les petits fils de pute, oh les petits fils de, oh les petits fils de pute. Un gros ça c'était les Avengers, c'était la Dream Team ma gueule. Y'avait Fian Soman, y'avait VALD, y'avait Aketo, y'avait Olcari autour d'un plota aussi. Merci à toute l'équipe d'être venue, merci pour la force. L'album c'est marqué à vie, il est toujours dispo depuis lundi mon gros. Et pour la même occasion, je vais remercier toutes les personnes qui sont intervenues tout au long de la semaine. Merci d'être venu. Vas-y. Donc voilà. Et n'oubliez pas surtout, le 20 mars à la Boule Noire. Oui, donc c'est le concert à pas louper, le concert. Est-ce qu'en première partie aussi, c'est cool. Ouais, ah, VALD en première partie. VALD en première partie. C'est mer. Info exclusive. Vas-y, je te laisse remercier un petit peu tout le monde, Tunisiano, pour conclure ce Planète Rap. Bah écoute, je vais remercier premièrement toutes les personnes qui m'ont donné de la force, c'est-à-dire mon équipe. Ça veut dire Mercus, Tefa, Nico, Aket, Cory, Stan, toutes ces personnes-là. Moi, je te fais. Jessai Press qui était là toute la semaine, qui a balancé les scuds aussi, les hommes de l'ombre, ainsi que l'équipe. Ma mif, toutes les personnes du label aussi, que ce soit de Believe. Et puis voilà quoi, ça veut dire que maintenant il est dans la nature, c'est à vous de faire le reste. Et cet album c'est le vôtre, il vous appartient. Donc voilà. On n'a rien oublié autour de cet album. Si, on pourrait dire des tonnes de choses. Dire tu vois. Que l'album est dans les bacs et que le 20 mars il est à la Boule Noire. Il faut venir. Il faut venir nombreux. Et à pas louper VALD, ça en première partie. Voilà, VALD en première type. Je sais que t'as envie de finir sur un morceau, Tunisien. Est-ce que tu peux passer carré le morceau carré pour vas-y, finir. Vas-y, on va finir ça avec le morceau. Juste avant le week-end pour ça, c'est lourd, ça. S'éclater. Voilà. Ça, c'est lourd. Allez, on en tout cas, ça a rappé dur, ça a rappé sale. Dédicace au 9-3, mon frère. Dédicace à Boboche 5. Dédicace à Récote. Aïe. Pour moi, tu zéro, vas-y, pose la bouteille de Jérobo. Hey, joue pas les connes, on met de côté nos vitres. Oui, si t'es lourd, vas-y, pose le Nabucco. 5h du matin, je veux pas me lever. Elles sont toutes belles après 3-4 V. Je vais leur faire ce gars, même s'il y a pas de l'eau. L'équipe veut du sale, t'inquiète, je vais pas me sauver. On arrive en marche, on fait la bise au videur. Et veuillez laisser place à ma bande de petits beurs. On se met lourd et l'équipe se la règle dure. La nuit joue des tours, y'a ce qu'il faut dans la voiture. Hermès, Gucci, Chou comme Jimmy. Et y'a les belles Bellucci et les poufs qui imitent. Et elles sont toutes maquillées comme des voitures. C'est pas des œuvres d'art, donc je peux pas me les voir en peinture. Et serveur, ma frère, ramène la boisson. On va claquer ton salaire dans un verre et des glaçons. Elles sont toutes hoches et OP pour un petit flirt. Et rien qu'elle te regarde, elle t'a déjà ôté le t-shirt. Des Nicki Minaj de nez dans la poudre. Elles ont peur de l'orage, mais rêvent toutes d'un coup de foudre. Couche, des embrouillons, on en a rien à foutre. Après deux, trois verres, on devient toujours joueur de foudre. Magnum sur la table. Gros Mathieu, frérot, vas-y, pose la bouteille de Jérobo. Joue pas les connes, on met de côté nos vitres. Réussi, t'es lourd. Vas-y, pose le Nabucco. 5h du matin, je vais pas me lever. Elles ont toutes belles, après 3-4 V. Même s'il y a pas de lever. L'équipe gratter. Je vais pas me sauver. Il a bien dans un glace, on va gratter. Laisse mon verre. Check la main qui remplit, wesh mon frère. Testé, oublié, man. Yeah. Attaqué sur le bec. 9, 5, pix. 9, 3, frère. Sissi, Bilsi, Gucci. Sissi, un vrai bonhomme. C'est ça que les rats qui veulent. Placé, pesé, Louis V, tonné. Fianso, c'est ça que les rats qui veulent. Bouge la tête, on fout la gueule. Pousse-toi. Là, que marre de mon plus. Si tu me touches pas. Je veux une table de pan. Je suis fracassé, la botte. La vodka est mal, la vodka est mal passé. Va vomir tes punis. Blanc comme à la Coste Unie. Y'a des bouffons dans la Corée comme aux États-Unis. Wallace, mon gars Freddy, mon Valdo Toulissade. J'vois que des Michael Jackson tournés comme des Gyropolis. Ferme son man. L'homme sur la table, gros matu, frérot. Vas-y, pose la bouteille de Jérôme. Je suis pas les connards, on met de côté nos vitres. Oui, si t'es lourd, vas-y, pose la bouteille. 5h du matin, j'veux pas me lancer. Dédicace à Paco, frère Rochetard, Microbe, Léon, c'est qui nous écoute, donne la force. Quand j'arrive, j'suis boisson. Vin Diesel dans Riddick. Au-dessus des limites, y'aura un prince qui vous rend visite. Là, le temps s'arrête une minute. Chargé le physique, attitude et gimmick. Pire qu'un Congolais de kiné. Et je brille comme le soleil à son zénith. Que les putes mec limite. J'ai 2, 4, 10 000 vinyls. À ma bleutin, oui, Watson puis Didi. Me dit Louis Vuitton, j'ai la veste de Michael Jackson. Don't beat it. C'est comment? Comment? Du mat sur ma crement. Pour faire durer le plaisir, jouer les doguignons en flambeau. Le DJ crie mon nom. Arrogant dans le style, genre une gifle, c'est une seule. Avec un gros mot. Y'a mes raps là de Panama, mes sclara du canal. Les femmes sont douces, les couilles c'est le Zlatan de Granin. Val tout nous c'est fiance, disfrais c'est la diable. Grimoire quitter le club d'un moonwalk comme avant. Un homme sur la table, on m'a tué frérot, vas-y pose. La bouteille de Jérôme. Marqué à vie depuis lundi. Marqué à vie. Lourd, vas-y pose le Nabucco. 5h du matin, je veux pas me lever. Elles sont toutes belles. Après 3-4 V. Même s'il y a pas de l'OV, frère. V.A.L. C'est pour cette caricature. Rapper c'est teaser, plus jaser sur le boule de carrément. Nul. C'est facile à souhait. Je préfère sniffer de la risage. Je fume la Marie-Jeanne que dans des feuilles de Paris Match. Vu. Et je sais qu'on dit page normalement. Je dis que cela apparemment. Je fous des tartes aux amandes la poche. Gros, je suis fauché, c'est tragique. Chaque fois, c'est pas cher qui paye l'addition. Tarpé à disposition. C'est quoi le truc? Vos sales gueules en quadruple. Sapristi. 1, 2, 3, 4 buts. Non. Non. Non, non, de play aux fesses. Oui, on play aux fesses. Depuis du jour où je fais plein aux as. Là, je suis qu'un rappeur en galère, un foutu pléonasme. Niquez vos mères avec vos vieilles rimes. Pénible wag V. Vermine de carré vif. Magnum sur la table, gros matu. Frérot, vas-y, pose la bouteille de Jérôme. On met de côté nos vidrues. Oui, si t'es lourd, vas-y, pose le Nabucco. Mais je veux pas me lever. Elles sont toutes belles après 3-4 V. Je vais leur faire ce gars, même s'il y a pas de l'envers. T'inquiète, je vais pas me sauver. 5h du mat, je veux pas me lever. Elles sont toutes belles après 3-4 V. Même s'il y a pas de l'envers. T'inquiète, je vais pas me sauver. Hein, mon pélo. 9-5, ça c'est le morceau carré. C'est marqué à vie. Yeah, hey, si tu n'as pas pêché, t'as rien compris, ma gueule. Personne marqué à vie depuis lundi. Tunisiano et ceux qui étaient là ce soir dans le studio aussi. Sur grosse ambiance, il y a de l'énergie, il y a de l'amour autour du mic. Voilà, c'était de la bombe ce soir. Extrait de l'album Marqué à vie. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. Allez, c'est parti. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Avec Naïma de Roubaix. Salut Naïma. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça va Naïma? Bienvenue dans le Planète Rap de Tunisiano. Oui. Hop. Attends, ouais, tu es prête à faire tourner? Ouais, parce que ouais, la connexion vers Roubaix n'est pas super bonne. Ou alors tu parles très loin du téléphone, Naïma. Ah, désolé. Allez, fais-nous un beau stop. Ah, ouais, mais il y a toute une chorale, il y a du monde avec toi, Naïma. Alors, en équipe. Et bah, 2 places pour aller voir Stromae en concert, c'est pour toi, Naïma. Débrouille-toi avec tout le monde derrière, il y a 2 places, vous êtes sans. Bon courage. Décidément. Ouais, incroyable cette semaine. Incroyable. On fait un bisou Naïma à l'instant. Merci vraiment Tunisiano pour cette semaine. Merci l'équipe. C'était une belle semaine. L'album s'appelle Marqué à vie. Merci à Sofiane qui est passé. Merci Fred. À VLD qui était là, monsieur Valdé était là ce soir. Raketo, Olcari qui était là aussi. Et tu étais un jour dans les bacs. Bien sûr, il arrive. C'est 4 à moi, c'est 4. A toute l'équipe, tous les potos, l'équipe de Bajo. Dédicace à Mercus. Les mecs du 9-5. Dédicace à Pops, frérot. Et l'album marqué à vie. Allez-y. Il est dispo. Donc merci en tout cas pour ceux qui envoient leur message, ceux qui soutiennent, ceux qui l'ont acheté, ceux qui comptent l'acheter et ceux qui vont venir me voir à la Boule Noire le 20 mars. 20 mars, voilà, ça je vous remercie. Et le titre, Fleury. On va retrouver. Eh, Nécro, mon frère, je pense à toi, Nécro. On va retrouver les Diffoul et la Radio Libre. C'est parti. Pour cette soirée. Pour cette soirée. Mais oui, c'est parti pour la Radio Libre. Merci, Tunisiano, pour cette semaine. Merci, l'équipe. Belle semaine et merci à tous ceux qui sont passés dans la semaine à Keto, notamment, qui étaient là. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver tous les deux, qui étaient là ce soir encore. Nous, on est là jusqu'à minuit. Grosse soirée spéciale ce soir sur Skyrock, puisque c'est quand même l'anniversaire d'un des gros membres de l'équipe. Bien sûr. Et quel anniversaire. Cédric, on a insisté pour le fêter ce soir sous la demande de son adversaire au Clash, Romano, qui nous a dit il faut quand même qu'on le fête ce soir. Non, moi je lui dis on va le fêter lundi, ça va lui porter la poisse. C'est parfait. C'est demain soir, c'est demain mon anniversaire. Ce soir, Cédric, c'est pour toi, c'est ta soirée. C'est ta fête. J'attends de voir. Bah écoute, plein de surprises tout au long de la soirée. Je vais venir te faire un bibi. Oh, comme c'est déjà, mignon. Déjà, quelle belle surprise. Je pense qu'en le voyant, tu diras plus ça. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être pas en fait. Bon, vous pouvez laisser tous vos messages sur SMS, sur le net. Pour tout le reste aussi, si vous voulez passer dans l'émission, on est là jusqu'à minuit en direct. On a du foot à suivre avec Reims OM. Ça a déjà démarré depuis 23 minutes. Et 0-0. Exceptionnel. Ah, pourquoi exceptionnel? Parce qu'on n'a pas pris de but encore. Oh, Samy. Voilà, parce qu'on est trop mauvais. Mais Samy, oui. Samy, tu sens la victoire quand même là. Non, pas du tout, gros. Je pense qu'on va perdre 1-0. Ah, voilà, très bien. Ah, bah, mon premier titre, 1-0. Et même les supporters ne sont plus. Ah ouais, je supporte. Et c'est un supporter de Marseille. Je supporte, mais je suis réaliste, tu vois. Waouh, ok. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et bah, amis marseillais. Ouais, grosse soirée ce soir. Ça va plus du tout. Là. Et la belle du clash tout à l'heure. Enfin bon, on en reparle dans un instant. C'est parti pour la Radio Libre. Semaine prochaine, Planète Rap avec. Avec DC's qui débarque. Ah, le retour de DC's. Le retour de DC's et son album Translucide. Ouais, et puis ce soir, la nocturne de Planète Rap, pas loupé avec Il y aura du son de Tunisiano, il y aura du son de DC's évidemment, et puis plein d'autres. Et Tunisiano, on te retrouve dans la nocturne. Tu peux venir nous faire un petit coucou, hein, Tunisiano. C'est l'anniversaire de Cédric, ça lui ferait très plaisir. Mais je crois qu'il est déjà parti vous rejoindre. Waouh, je ne le vois plus dans le studio. Bon, on est de retour tout de suite sur Skyrock. C'est parti pour la Radio Libre. 41 759 01 53 40 30 20. On arrive. À tout de suite. À toutes. À toutes.